بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons entamer le deuxième cours dans l'explication de Al-Lamiyya de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On avait vu la semaine dernière le premier vers. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. Ô toi qui m'interroges concernant ma voie et ma croyance. Ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. Celui qui demande à la guider, alors la guider lui est attribuée. Dans sa parole wa aqidati, ainsi que ma croyance, il y a un terme que je n'ai pas cité la semaine dernière et je voudrais le citer, insha'Allahu ta'ala. Faqad yadhunnu al-ba'd anna kalamahu huna yadullu ala annahu huwa alladhi ansha'a hadhihi al-aqidah. La parole de Cheikh al-Islam ici, lorsqu'il dit « aqidati », ma croyance, il se peut que certaines personnes pensent que c'est lui qui a fait cette croyance. Et c'est lui qui l'a innové. Lorsqu'il dit « ma croyance », une personne peut penser cela. « Wa innama al-ma'na annahu ya'taqiduha wa yudafi'u anha. » Cependant, la signification de cela, c'est que lui, il a fermement cette croyance et qu'il la défend. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui l'a innové. Wa ilaykum kalam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi munaqashati al-aqidah al-wasitiyah lamma sa'alahu na'ib as-sultan 'an al-aqidah. Et je vais vous lire la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lors de la munaqasha de al-aqidah al-wasitiyah. Le débat lié à l'aqid al-wasitiyya, lorsque le responsable nommé par le gouverneur l'a interrogé concernant l'aqidah, il a répondu Cheikh al-Islam en disant « Amma al-i'tiqad, fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbar minni. » En ce qui concerne la croyance, alors celle-ci ne se prend pas de moi. Ça c'est Cheikh al-Islam, il dit ça. Il dit, celle-ci ne se prend pas de moi, ni de celui qui est au-dessus de moi, ni de quiconque est au-dessus de moi. La aqida ne se prend pas de nous. Bel, yu'khadhu anillahi wa rasoulihi alayhi salatu wassalam. Mais cette croyance, elle est prise d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Wa ma ajma alayhi salaful umma. Et ce sur quoi sont unanimes les pieux prédécesseurs de cette communauté. فَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَجَبَ اَعْتِقَادُهُ وَكَذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِثْلَ صَحِيحِ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ انْتَهَى. Et ensuite il dit, et donc ce qui est dans le Coran, il est obligatoire d'y croire. Il est obligatoire d'y croire. De la même façon, ce qui est dans les ahadiths authentiques, comme les ahadiths de Sahih al-Bukhari et Muslim. Fin de citation. Et donc, on voit clairement dans ce passage, mes frères, que cette croyance qu'il nous cite, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce n'est pas la sienne. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui l'a innové, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Mais il nous rapporte tout simplement ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna et dans les citations des unanimités des pieux prédécesseurs. Voilà pourquoi dans certains passages, celui qui lit les livres de Cheikh al-Islam, il pourra trouver parfois dans certains passages qu'il dit « Je donne à toute personne qui me contredit dans ce que je dis, je lui donne 3 ans. 3 ans pour trouver un seul parmi les personnes, parmi les savants des premières générations qui contredit ce que je dis. Je lui donne 3 ans pour m'en trouver un. » Et donc Cheikh al-Islam, elle nous dit ça pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui a innové cette croyance, mais il l'a prise des premières générations. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire avant de commencer le deuxième vers. Et donc le deuxième vers, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Le deuxième vers donc qui est chez vous à la page 4. Si vous voyez les frères donc premièrement, vous n'êtes pas obligé de noter tous les exemples que je donne. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de place, vous pouvez retourner vers la fin. Il y a des notes de la place pour des notes supplémentaires, si vous voulez, à partir de la page 16. Si vous voulez, alhamdoulilah, le manuel il a été bien fait, on en profite. Walillahi alhamd. Et donc, dans cette parole, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Écoute la parole d'un vérificateur dans sa parole. Alors, écoute un vérificateur dans sa parole. C'est-à-dire, un vérificateur, c'est quelqu'un qui vérifie et qui maîtrise ce qu'il dit. Il vérifie et il maîtrise ce qu'il dit. Il ne dit pas n'importe quoi. Il faut savoir tout d'abord que la parole, dans la langue arabe, elle peut être citée concernant la croyance. Et donc là, quand il dit isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, écoute ce que dit un vérificateur dans sa parole. Sa parole ici, ça peut vouloir dire l'aqida, la croyance. Un vérificateur dans sa croyance, c'est-à-dire qu'il maîtrise son domaine, il maîtrise cette croyance. Pourquoi? Vous pouvez voir dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم. Dites, nous croyons en Allah et à ce qui nous a été descendu et à ce qui a été descendu sur Ibrahim. Et la suite du verset. Ce qui est voulu par ce verset, c'est قولوا بألسنتكم واعتقدوه بقلوبكم. Ce qui est donc voulu par ce verset, c'est dites-le par vos langues et croyez-le fermement par vos cœurs. Et donc, la croyance, elle colle, je veux dire, la parole, elle peut être citée concernant la croyance aussi dans certains passages. ثم الأصل في تزكية النفس أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعله فهو مذموم. Ensuite, la base concernant le fait de vanter ses mérites, c'est qu'il n'est pas convenable aux musulmans, aux musulmans, de le faire. Il n'est pas convenable aux musulmans de faire cela, car cet acte est blâmable. Pourquoi je vous cite cela? Lorsqu'il nous dit « Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi » Écoute ce que dit un vérificateur dans sa parole. Ici, une personne peut dire « Ah, mais cheikh l'islam, il se vante ici ? » Est-ce que c'est ça? Et donc, on va parler un peu de ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vos mérites. Car certes, il est plus savant de celui qui a la taqwa, de celui qui a la crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala. لَكِنَ الْإِنسَانِ أَحْيَانًا قد يحتاج الى ان يثني على نفسه لمصلحه. Cependant, la personne, parfois, il se peut qu'elle ait besoin de se faire des éloges, on va dire de vanter ses mérites pour un besoin quelconque. كان يكون معلما او ناصحا او امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. Comme le fait que la personne soit enseignante. Ou alors un conseiller, ou alors quelqu'un qui ordonne le bien et qui interdit le mal. يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُطَمْئِنَ الْمُسْتَمِعَ. Il a besoin de rassurer la personne qui l'entend. Il a besoin de rassurer la personne qui l'entend, que cette personne sache qu'il ne va pas dire n'importe quoi. قَالَ يُوسُفْ لِلْمَلِكِ إِنَّهُ حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Youssouf, il a dit au roi qu'il est certes bon gardien et connaisseur. Allah tabaraka wa ta'ala cite la parole de Youssouf. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Il dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis certes un bon gardien. Je suis certes bon gardien et connaisseur. البخاري ذكر أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. البخاري لا cité selon عائشة رضي الله عنها que elle dit, le messager d'Allah, lorsqu'il leur ordonnait quelque chose, il leur ordonnait de faire ce qu'ils avaient la capacité de faire. Ne fais pas ce qui est trop dur pour toi-même. Il leur ordonnait de faire ce qu'ils avaient la capacité de faire. Certains ont dit, mais ô messager d'Allah, nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas dans la même situation que toi. Certes, toi, Allah, il t'a pardonné tes péchés passés et futurs. C'est comme s'ils disent, donc toi, tu peux faire moins d'actes d'adoration que nous, mais nous, on a besoin. Faradiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hatta yu'arafu al-ghadabu fi wajhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fâché jusqu'à ce que la colère apparaisse sur son visage. Et il a dit, inna atqakum وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا. Il a dit, certes, celui d'entre vous qui craint le plus et qui connaît le plus Allah, c'est moi. C'est moi. Sallallahu alayhi wa sallam. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ أَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت. Et Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, par celui dont nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, il n'y a pas une sourate dans le livre d'Allah sans que je sache où elle a été révélée. Wa ma min ayatin fi kitabillah illa a'lamu fi ma nazalat. Il n'y a pas un seul verset dans le livre d'Allah sans que je sache par quelle cause il a été révélé. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni aw a'lama bi kitabillah minni tablughuhu al-ibilu li rakabtu ilayhi. Et si je connaissais une personne qui connaissait plus le livre d'Allah que moi, qui connaissait plus le livre d'Allah que moi, et qu'il soit possible d'aller le voir avec des montures, je serais allé le voir. Et donc, Ibn Mas'ud ici, qui cite cela, ce n'est pas pour se vanter, pour se faire des éloges, mais c'est pour rassurer la personne qui va entendre ce qu'il va dire par la suite. Et même Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, lui-même, dans un passage, toujours dans la Munaqasha de l'Aqid al-Wasitiyya, donc le débat qu'il y a eu concernant l'Aqid al-Wasitiyya, lorsque le gouverneur, il a rassemblé donc plusieurs savants, et il a rassemblé donc plusieurs savants, dont Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, pour discuter de ce qu'il y avait dans cette épître, l'Aqid al-Wasitiyya. Il y en a un donc qui s'opposait, c'était Cheikhoul Islam, il dit, huwa Cheikhoul Kebir. C'était leur cheikh le grand de ceux qui s'opposaient à Cheikhoul Islam. Et donc il débattait, il voulait débattre avec Cheikhoul Islam. Cheikhoul Islam, il a dit, ana a'lamu kulla bid'atin hadathat fil Islam. Wa awwala man ibtada'aha wa ma kana sabab ibtida'iha. Parce que l'autre, donc ce grand cheikh, il est venu premièrement avec une erreur dans la croyance. Alors, Cheikhoul Islam, il a répliqué à cela en citant des preuves, et tout de suite après, il lui a dit, je connais toute innovation qu'il y a eu dans l'islam. Et toute personne, et la première personne qui l'a innové. et la raison pour laquelle il a fait cette innovation. Pour fermer la porte. Et pour montrer à ceux qui sont en face que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il connaît son domaine. Et donc, il se peut que la personne, elle ait besoin, parfois, de citer certaines de ses qualités. Et donc, on revient, la base, c'est que c'est blâmable. Mais il se peut que la personne, elle en ait besoin pour une raison quelconque. وَهَكَذَا وَإِلَى هَذَا يُحْمَلُوا كَلَمَ النَّظِمُ هُنَا أَوْ كَلَمُ النَّظِمِ هُنَا. Et c'est comme cela que nous devons comprendre la parole de l'auteur de ce poème, ici. Et ensuite, lorsqu'il nous dit « لَا يَنْثَنِي عَنْهُ وَلَا يَتَبَدَّلُوا » Et donc cette croyance dont il ne se sépare pas et il ne la change pas. Et il ne change pas. Donc écoute ce que dit un vérificateur dans sa parole ou dans sa croyance dont il ne s'en sépare pas. Elle est tout le temps avec moi, ma croyance. Et il ne change pas. Voilà, yatabaddal. فالمسلم ينبغي له أن يثبت على الحق ولا يغير ولا يتغير حسب الأحوال. Le musulman, il lui est demandé de rester ferme sur la vérité et de ne pas changer en fonction des situations. Allah تبارك وتعالى il dit ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. Il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah de façon ébranlée, de façon tremblante, avec un grand manque de fermeté. Si un bien les touche, alors ils sont rassurés. Mais s'ils sont éprouvés, alors ils détournent leur visage. Il faut donc rester ferme sur cette religion. Al-bardu qad yataghayyaru min ajli al-mal. Certaines personnes peuvent changer à cause de l'argent. Aw yakhafu ala wazifatihi. Il a peur, il se peut qu'il ait peur pour son travail, pour son poste. Wal-bardu qad yataghayyaru min ajli sum'a. Certains peuvent changer à cause de ce que les gens disent d'eux. Yakhafu min kalami an-nasi alayhi. Ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux. Al-bardu qad yataghayyaru min ajli al-jidali ma'a ahli al-batil. Il y a des gens qui peuvent changer à cause des débats avec les gens du faux. Fayanharifu wa yadhhabu ma'hum. Et alors, il va s'égarer et partir avec eux, avec les gens du faux, à cause du débat. والمطلوب من المؤمن ان يثبت على الحق. Ce qui est demandé aux croyants, c'est qu'ils restent fermes sur la vérité. Allah تبارك وتعالى qui dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah il raffermit ceux qui ont cru par la parole de fermeté ici-bas et dans l'au-delà. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah, il fait l'éloge de ceux qui ont la patience et de l'endurance. Leur seule parole était de dire, ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès dans la religion. Et raffermis-nous. Et accorde-nous la victoire contre les peuples mécréants. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi, minal mu'minina rijal. Il y a parmi les croyants des hommes. Vous allez me dire, mais les mu'minines, des croyants. Et donc, tous les croyants sont des hommes. Allah, il dit, minal mu'minina rijal. Il y a parmi les croyants des hommes. Sadaqu ma ahadullah alayh. Ils ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Faminhum man qada nahbah. Parmi eux, il y en a qui ont atteint leur fin. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ. Et il y a parmi eux certains qui attendent. Ils ne sont pas morts, ils attendent. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Et ils n'ont pas changé, ils n'ont pas varié. Ils sont restés fermes sur leur engagement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh, l'imam Sa'di, il dit dans l'explication de ce verset, مَا بَدَّلُوا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Et ils n'ont pas varié, ils n'ont pas changé. كَمَا بَدَّلَ غَيْرُهُمْ. Ils n'ont pas changé comme les autres ont changé. بَلْ لَا يَزَلُوا عَلَى الْعَهْدِ لَا يَلْوُونَ وَلَا يَتَغَيَّرُونَ. Au contraire, ils ne cessent de rester sur leurs engagements. Ils ne fléchissent pas et ne changent pas. فَهَاُولَا اِرْرِجَالُوا عَلَى الْحَقِيقَ. Alors ceux-là, ce sont les hommes en vérité. وَمَنْ عَدَاهُمْ فَسُوَرُهُمْ سُوَرُ رِجَالٍ وَأَمَّا الصِّفَاتِ فَقَدْ قَصُرَتْ عَنْ صِفَاتِ الرِّجَالِ. إِنْتَهَا كَلَمُهُ. Et donc il nous dit, et donc ces gens-là, ce sont eux les hommes en vérité. Et les autres, donc ceux qui ont changé, même si leur forme ou leur apparence est une apparence d'homme, mais leurs caractéristiques sont en dessous des caractéristiques des hommes. Parce que donc, cette caractéristique est une caractéristique des hommes, le fait de rester ferme sur la vérité, de ne pas changer en fonction des situations. Tu as peur pour ton argent, tu as peur pour autre. Certains vont cacher leur islam pour le travail. Comme je l'ai déjà cité plusieurs fois, des frères qui m'envoient des photos, une photo des toilettes. Ah, voici les toilettes à mon travail, est-ce que je peux prier là-bas? Est-ce que je peux prier là-dedans? Ah, et elle est où la fermeté dans la religion? Est-ce que tu as fait un crime? Est-ce que tu as volé quelque chose? Tu n'as pas besoin de cacher ton islam, alhamdulillah, reste ferme. Demande tout simplement à pouvoir prier. Et si ton patron ne veut pas que tu pries, il va chercher un autre travail. Reste ferme sur ta religion. Ne change pas ta religion en fonction des gens. Et donc, il est important qu'on comprenne cela, le fait de rester ferme. Barakallahu fikum. فهكذا الرجال في الحقيقة لا تراهم يتغيرون مع تغير الفتن. Et c'est comme ça que sont les hommes en réalité. Tu ne les vois pas changer en fonction des changements des fitanes. À chaque fitna, ils changent. Non, ils restent fermes. ذكر الأجوري في الشريعة أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به. L'imam al-Ajuri, il a cité dans son livre Sharia, qu'un homme est venu voir l'imam Malik. Il lui a dit, « Oh Abba Abdillah, écoute-moi, je vais te citer une chose dont je vais te parler. « Uhajjuk wa ukhbiruka bi ra'yi. » Je te cite ma preuve et je te donne mon avis. « Fekola wa in ghalabtani. » Imam Malik, mashallah. L'imam Malik lui a dit, et donc si tu as le dessus sur moi, tu as plus d'arguments que moi, plus de preuves que moi, comment on fait? Il dit, in ghalabtuka tabi'tani. Et donc il dit, si tu as le dessus sur moi, alors tu me suis. Alors si, excusez-moi, il dit donc à l'imam Malik, l'homme, si j'ai le dessus sur toi, tu me suis. Tu me suis dans ma croyance. L'imam Malik il lui dit, wa inja akhar fa ghalabana. Et s'il y a un autre troisième qui vient et qu'il a le dessus sur nous, il a plus d'arguments que nous, comment on fait? Il lui a dit, فَنَتَّبِعُهُ. Alors on le suit. L'imam Malik lui a dit, يَا عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِدِينٍ وَاحِدٍ. Oh Abdallah, Allah il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une seule religion. وَأَرَاكَ تَنْقَلِبُ مِنْ دِينٍ إِلَىٰ آخَرٍ. Et je te vois changer d'une religion à une autre. Ta religion n'est pas ferme. قَالَ عُمَرْ ibn عَبْدَ الْعَزِيزِ مَنْ جَعَلَ دِينَهُ عَرَضًا لِلْخُسُومَ Aksara tanakul. Omar ibn Abdel Aziz, il a dit, celui qui a placé sa religion comme cause de débat va augmenter le fait de changer. De changer d'une religion à une autre, d'une croyance à une autre. Il va débattre avec les tablir. Il va aller tablir. Il va débattre avec les soufis. Il va aller soufis. Il va débattre avec Foulen. Il va aller Foulen. Il va débattre. Ah, reste ferme. Ne va pas débattre avec les gens. Ouais, mais je veux leur expliquer la vérité. Reste à ta place. Reste à ta place. Si tu vois que eux, ils veulent comprendre, tu les envoies. S'il a réellement envie de comprendre, tu vois que la personne veut comprendre la vérité, dis-lui, tiens, il y a un talib ilm là-bas, va le voir. Va le voir. Mais c'est pas toi qui vas aller débattre, etc., à droite, à gauche, mettre ta religion en danger. Et ensuite, avant de finir, Ibn Battah, ذكر ابن بطة في الإبانة عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أنه قال الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد الله أكبر ابن بطة يسيت dans son livre « Al-Ibana » selon Hudhayfa ibn al-Yamani qui dit « L'égarement, le réel égarement, c'est le fait que tu reconnaisses ce que tu rejetais et que tu rejettes ce que tu reconnaissais. » Et donc tu changes. « Wa iyyaka wa talawwuna fi ddin » et méfie-toi du changement dans la religion, car la religion d'Allah est unique. Encore nos pieux prédécesseurs qui nous mettent en garde contre le fait de changer et de changer. Nous devons donc rester fermes, oh les frères. Et pour finir, juste rapidement, on va citer quelques causes qui permettent à l'individu de rester ferme sur sa religion. Pourquoi ? Et donc, c'est très intéressant le fait que Cheikh Oulissam Ibn Taymiyyah, ou du moins que l'auteur, il nous cite cela, en début de ce poème, afin que l'on puisse comprendre que cette croyance qu'il y a dans ce poème, ce qu'il y a dans ce poème, c'est la croyance du groupe sauvé, et que nous devons rester fermes sur cette croyance. Nous ne devons pas la lâcher jusqu'au bout. Et donc, ce passage est très important avant même de commencer à rentrer dans les détails de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, famine asbab al-thabat ad-du'a. Parmi les causes de fermeté, il y a l'invocation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite, la voie de rectitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u bi hadha ad-du'a kull yawm ma'a annahu kana 'ala al-haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tous les jours cette invocation alors qu'il était sur la vérité. Fa al-ma'na ثَبِّتْنَا عَلَيْهِ. Et donc la signification, raffermis-nous sur cette vérité. Raffermis-nous sur la voie de vérité. وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الثَّبَتِ التَّقْوَى. Il y a parmi aussi, donc, les causes de fermeté, rester ferme sur la religion, la vérité, il y a التَّقْوَى. إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ نَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Si vous craignez Allah, alors nous vous accorderons le discernement qui te permettra de comprendre ta religion et de rester ferme sur la vérité. وَمِنْهَا طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ. Il y a parmi les causes qui permettent de rester ferme sur la vérité, le fait d'apprendre ta religion, طَلَبُ الْعِلْمِ, et le fait d'œuvrer avec ce que tu apprends. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Nous en avons fait une lumière. Le Coran, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Taïb, comment veux-tu profiter de cette lumière si tu ne la connais pas? Tu dois apprendre qu'est-ce que cette lumière, quelles sont les significations de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela, c'est par talab al-ilm, apprendre ta religion et œuvrer avec celle-ci. ومنها عدم الجلوس والجدال مع المنحرفين كما رأيتم في النصوص التي ذكرت لكم. Et parmi les causes de fermeté, et c'est la dernière qu'on va citer, il y a le fait de ne pas fréquenter et de ne pas débattre avec les personnes qui sont égarées, comme vous avez pu le constater dans les textes que nous vous avons cités, que je vous ai cités. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera la semaine prochaine avec le troisième et le quatrième vers qui concernent l'amour des compagnons, le fait d'aimer les compagnons, quelle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a en cela, wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, hayakumullah.